Le porte-parole de l'Association de mesure des droits de l'homme de Corée du Sud a publié le 1er septembre un entretien qui indique notamment « Malgré la condamnation et la protestation unanime du pays et du monde, la bande des traîtres de Park Geun-hye a fini par adopter en mars dernier au Parlement la loi sur les droits de l'homme en or et ont déclaré de l'appliquer officiellement dès le 4 septembre prochain. » À ce propos, Park Geun-hye a calomnié plein de rage notre régime socialiste et lancé des propos venimeux sur certaines enquêtes sur la situation des droits de l'homme et activités des droits de l'homme, alors que les gens du ministère de l'Unification ont prétendu de faire produire un changement au Nord. Notons qu'actuellement, toutes sortes de sanctions et de pressions contre nous sont devenues inutiles et au contraire, l'échec général de la campagne nucléaire contre notre République, la lutte des habitants sud-coréens contre la disposition de SAD, les fraudes ultra-géantes des gouvernants et la chute de la vie du peuple ont précipité la bande de Park Geun-hye à la crise irrémédiable. D'où, elle s'affaire frénétiquement pour trouver l'issue dans la campagne des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée. Mais il est incontestable qu'il ne peut pas exister, ni il y a aucun problème des droits de l'homme dans notre pays où le service dévoué au grand peuple est le courant de toute la société et que la primauté des masses populaires est appliquée d'un bout à l'autre. Il est de notoriété publique que l'ONU a déjà mis en public le rapport d'enquête sur la situation de grave violation des droits de l'homme du pouvoir de Park Geun-hye. Et la liberté de parole en Corée du Sud est qualifiée à l'échelle mondiale et chaque année de pire niveau. Surtout, la bande des traîtres qui ont kidnappé en plein jour nos citoyennes pour les séparer d'avec leurs parents et les détiennent injustement jusqu'à présent est le criminel anti-humain qui n'a même pas le droit d'en parler. Nous calculons exactement tous les crimes antinationaux et inhumains de la bande des traîtres de Park Geun-hye et attendons seulement l'heure du règlement de compte avec la vengeance décuplée. L'application de la loi sur les droits de l'homme au Nord ne fera qu'accélérer la fin pitoyable des gens malhonnêtes tels que Park Geun-hye, reine de la violation des droits de l'homme et les marionnettes du ministère de l'Unification.